Je doute et je crois que j'écoute bien trop mon passé. Je voudrais juste me réveiller et tout ce que je vois me dégoûte. J'essaie d'avancer, je voudrais juste me réveiller. Pourquoi chaque fois que je ferme les yeux, tout ce que je vois c'est qu'on était malheureux. Dis-moi pourquoi chaque fois que je ferme les yeux, tout ce que l'on ressent c'est la colère et le feu. Je m'en fous, c'est pas une excuse, tout ce que t'as pu dire, ce qui t'a fait mentir. Je m'en fous, je m'en fous que tu sois fier. Je t'ai trop vu faire, j'ai trop souffert, je veux pas tes excuses. J'efface les morceaux d'avant, je laisse passer le temps et tout ce qui me reste quand je m'endors, je regarde plus trop en arrière. J'essaie de me défaire de tout ce qui reste de ce qui m'endort. Pourquoi chaque fois que je ferme les yeux, tout ce que je vois c'est qu'on était malheureux. Dis-moi pourquoi chaque fois que je ferme les yeux, tout ce que je ressens c'est la colère et le feu. Je m'en fous, c'est pas une excuse, tout ce que t'as pu dire, ce qui t'a fait mentir. Je m'en fous que tu sois fier. Je t'ai trop vu faire, j'ai trop souffert, je veux pas tes excuses. Je sais pas, je sais plus, je sais rien, je sais pas pourquoi j'écris encore sur toi. Je sais pas, je sais plus, je m'en fous, c'est pas une excuse, tout ce que t'as pu dire, ce qui t'a fait mentir. Je m'en fous, je m'en fous que tu sois fier. J'ai trop souffert, je veux plus tes excuses. Je m'en fous, je veux plus tes excuses.